بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Donc on est toujours dans Kitab al-Tawhid, le Cheikh Mohammed rahimahullah avec le Hashia de Cheikh Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah ta'ala. On est arrivé dans le quatrième chapitre, Bab al-Khawf min al-Shirk. Bab al-Khawf min al-Shirk. Et la parole du Cheikh, donc qui a cité le verset de Surat An-Nisa, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. On avait lu ce verset là et la hashia du Cheikh Ibn Qasim. Donc on avait dit juste une petite remarque par rapport à ce verset-là. C'est qu'Allah Jalla wa'ala, dans ce verset-là, il nous dit qu'il ne pardonne pas le shirk. Et qu'il pardonne de cela, en dehors de cela, en dehors du shirk, à qui il veut. Quelqu'un il peut dire, qu'en est-il du kufr akbar? Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru shirk la yaghfiru an yushraka bihi la yaghfiru l'ishraka shirk. Mais alors yaghfiru l'kufr, l'akbar. Non, donc comment les ulama ils répondent à ça? L'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah dans son tafsir dans le commentaire de ce verset il dit فَإِنَّ اللَّهَ لَيَغْفِرُ الشِّرْكِ بِهِ وَالْكُفْرِ. Il rajoute وَالْكُفْرِ. Comme si dans l'ayat il y avait le kufri le mahdouf. Allah Jalla wa'ala il ne l'a pas cité, mais on le comprend des autres textes. Donc إِنَّ اللَّهَ لَيَغْفِرُ الشِّرْكِ. Allah ne pardonne pas le shirk, ni le kufr l'akbar. Ça c'est sur la parole de ceux, des ulama qui font la différence entre le shirk l'akbar et le kufr l'akbar. Il y en a d'autres qui disent que il n'y a pas de différence entre le shirk al-akbar et le kufr al-akbar. Shirk al-akbar, shirk al-kufr ou kufr shirk. Donc à partir de là, il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose qui n'est pas cité clairement dans le texte, dans le verset, puisque à la base ça a le même sens. Ça c'est la parole d'autres savants. Et donc ils disent que le kufr ou shirk mutaradifain. Ils ont le même sens. Sauf que dans l'utilisation du Coran et de la Sunna, le shirk, la grande majeure partie du temps, c'est Allah Jalla wa'ala, il l'utilise pour parler de quoi? Sarf al-ibad al-ghalillah. C'est pour évoquer celui, soit qui voue une adoration à un autre que lui, ou celui qui voue une obéissance à un autre que lui, comme Allah a dit dans le verset de Surat An-Nisa. Non, de l'Maïda, par contre, je vais y arriver dans l'An'am, lorsqu'il parle de وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَّا أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُكُمْ فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Si vous obéissez dans la désobéissance à Allah, dans une législation qui contredit la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous serez associateur, mushrikun. Donc celui qui voue soit l'adoration à un autre qu'Allah, soit l'obéissance à un autre qu'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le mot shirk. Et le mot kufr, on le trouve où Allah subhanahu wa ta'ala, il l'utilise pour ce qui est autre que ça. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas le même sens. C'est pour ça qu'il y a des ulama qui répondent en disant qu'Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, comme il dit Ibn Jarir Tabari, wa an yukfar bihi. Et qu'on mécroit, il interdit le shirk et la mécréance, les deux. Pardonne pas. Pardonne pas les deux. Allahu alam, quelle que soit l'explication qu'on en donne, que ce soit le shirk al-akbar, ou le kufr al-akbar, si on dit que le kufr al-akbar est différent du shirk al-akbar, comme par exemple à l'unanimité des salafs. À l'unanimité des salafs, celui qui délaisse la salat, il est kafir. Kufr akbar, murtad, an l'islam. Pourtant, est-ce que dans l'utilisation du Coran, Le fait de délaisser cette obligation, ce pilier qui est la salat, si on prend l'utilisation, le fait de donner un associé à Allah Azzawajal, c'est pas ça, là, c'est quelque chose, c'est le fait de délaisser un commandement. Pas de le donner à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui donne l'adoration, la salat, sujoud, ruku, ou la dua, tous les actes d'adoration qu'on retrouve dans la salat, puisque la salat, elle est composée de plusieurs adorations. Quelqu'un qui en donnait à autre qu'Allah, Allah va dire oui. L'utilisation du Coran, du shirk, on la retrouve. Il adore un autre qu'Allah, il donne le ruku à un autre qu'Allah, il donne le sujoud à un autre qu'Allah, il invoque un autre qu'Allah, etc. Mais on a aussi le hadith, où dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Bain al-abdi wa shirki wa al-kufr, tark al-salah. Bain al-abdi wa shirki wa al-kufri tark al-salah. Donc on voit que bon, il y a, à la que ce soit shirk ou kufr al-akbar, ça rentre dans le sens du verset Allah jalla wa ala pardonne pas à celui qui meurt sans s'en être repenti. Et il pardonne en dehors de cela. Donc tout péché qui n'atteint pas le shirk al-akbar, le kufr al-akbar, Allah, c'est comme le shiri dit, il l'a dit, تحت المشيئة, comme le sunna wal-jama'i disent, تحت المشيئة. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, yasha, le verbe sha'a, mazdar mashi'a, تحت المشيئة, Allah Jalla wa Ala, s'il veut, il peut lui pardonner par sa miséricorde. Donc, on était arrivé là. Et donc, on avait dit que le verset aussi, c'est une réponse à plusieurs groupes de gens de la bid'a. En réalité, à tous les gens de la bid'a concernant le sujet de l'iman. On voit qu'Allah Jalla, il ne pardonne pas le shirk, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Ça, c'est une réponse à qui? Aux Khawarij et aux Mu'tazila. On avait vu que les Mu'tazila ou les Khawarij, ils sont unanime sur le fait que celui qui meurt sur un grand péché sans s'en être repenti, il demeure éternellement au feu. Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas. Alors ça, c'est un nas contre eux. Ça c'est un texte clair et net qui rejette leur croyance. Et ça répond aussi au al-Murji'a, ou plutôt le Jahmiya, aux gens de notre époque, ceux qui prétendent à la salafia, et qui disent que il y a qu'une seule sorte de péché. Il y a qu'une seule sorte de péché, et que le péché devient kofr, akbar, uniquement lorsqu'il est accompagné de la croyance. Donc eux, ils ont fait des péchés, un seul péché. Que ça soit du shirk, quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé shirk ou kufr dans son livre, ou quelque chose d'autre qu'il n'a pas appelé comme ça, comme zina, comme al-khamr ou autre, eux ils conditionnent toujours la croyance. Le fait de dire que le haram il est halal ou inversement. Eux ils vont toujours conditionner ça pour que le péché il atteigne le kufr. Qu'Allah il a appelé ça kufr akbar ou shirk akbar dans le Coran, ils font pas la différence. Ce verset-là c'est une réponse. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Donc on voit il y a deux catégories de péchés. Il y a le péché qui est en lui-même du kufr ou du shirk akbar qui fait sortir de l'islam, et il y a les autres péchés qu'Allah il peut pardonner s'il veut. Or tous ces autres péchés qu'Allah il pardonne s'il veut, Allah il ne les pardonne pas s'ils sont accompagnés de l'istihlal. Par exemple le khamr, shurb al khamr, le fait de boire de l'alcool, c'est un péché. C'est pas du kufr akbar en soi, mais celui qui croit, qui dit que c'est halal, alors qu'il vit au milieu des musulmans et qu'il a le Coran avec lui, c'est un kafir. Donc, on voit bien qu'il y a une différence entre ces deux sortes-là de péchés. Or, eux, ils en ont fait qu'une seule. Le péché ou la parole et l'acte ne sont kufr akbar que si elles sont accompagnées de la croyance. Or, ça, c'est vrai pour n'importe qui. Quelqu'un qui reste chez lui et qui croit par exemple que les cinq salats obligatoires ne sont pas obligatoires, il est kafir. Même s'il prie, même si ce que je voulais dire au départ, c'est même s'il prie dans le premier rang, même si c'est lui l'imam, il dirige la salat, il connaît le Coran par cœur Et il croit que la salat elle n'est pas obligatoire, il est kafir. Donc il y a deux sortes de péchés. Le péché qui fait sortir la personne de l'islam. Shirk akbar, kufr akbar. Ça c'est quelque chose qui touche directement à la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et il y a les autres péchés. La deuxième catégorie de péchés qui ne sont pas du kufr tant qu'ils ne sont pas accompagnés de la croyance. C'est-à-dire l'istihlal, de dire que le haram est halal ou que le halal est haram. Ça c'est ce qu'on peut tirer de ce verset. Donc ce verset c'est une grande règle, une grande base dans la sharia. On attire beaucoup de leçons. Il y en a, ils ont appelé ça aussi le verset de l'espoir. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui meurt mouahid, qui n'a pas commis le shirk al-akbar, il y a de l'espoir pour lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne des fautes, même s'il a fait des fautes, même s'il est mort en ayant commis beaucoup de péchés, de grands péchés qui n'atteignent pas la grande mécréance, il y a toujours un espoir qu'Allah jalla wa ala lui pardonne. Et quoi qu'il en soit, comme on l'a vu dans la croyance de l'Sunna wa Jama'a, comme il va le répéter après, on sait que celui qui meurt mouahid, qui n'est pas mort sur le shirk al-akbar, que sa demeure, c'est le paradis. Même s'il est châtié avant. Comme on l'a répété plusieurs fois. Et on est arrivé, le shiri cite maintenant un deuxième verset. Qala al-Khalil, donc il cite la parole d'Allah Jalla wa Ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité la parole d'Ibrahim al-Khalil alayhi salam wajnubni wabaniya an na'bud al-asnam. C'est-à-dire une traduction rapprochée. Et écarte-nous, éloigne-nous, moi et mes enfants, de l'adoration des statues, de l'asnam. Même si la traduction de sanam par statue, on va voir qu'après, il explique plus en détail ce que c'est un sanam, et qu'on peut comprendre que un sanam, on peut l'utiliser pour rappeler d'autres choses qui ne sont pas des statues, c'est-à-dire des objets inertes sculptés à l'effigie d'une personne ou d'un animal, ou quoi, ça c'est la base. Un sanam, c'est ça la base, la statue. Mais que c'est appliqué sur d'autres choses et que c'est, on peut appeler sanam tout ce qui détourne la personne du tawhid, on peut l'appeler sanam. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, la démocratie, on peut dire que la démocratie, sanam. Yu'abad min dunillah. C'est une idole adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel muhashi il dit au sujet de Al-Khalil. Al-Khalil, donc, c'était Ibrahim ibn Azar ibn Nahour ibn Sharukh ibn Arakhu ibn Falig ibn Abir ibn Shalikh ibn Arfakhshad ibn Sam ibn Nuh. Des noms compliqués parce qu'à la base, Ibrahim, on sait qu'il n'était pas arabe et ses ascendants non plus. Donc, c'est des mots qui ne sont pas arabes, transcrits en arabe. Donc, c'est un peu dur à lire. Et donc, évidemment, sa ligne, elle remonte jusqu'à Nuh. Nuh, alayhi salam. Parce que Nuh, c'est le deuxième père de l'humanité après Adam. Tous ceux qui sont, on sait que tous les gens qui sont venus après Nuh font partie de la descendance de Nuh. Il est né à Babil avant Isa, 2000 ans avant Isa, alayhi salam. Wahajara il est Shem, il a émigré au Shem et il est mort au Shem après avoir vécu 157 ans. Atoufia biha ba'da an 'ash 157 sana. ومعنى إبراهيم بالسريانية أبونا رحيم. Le sens d'Ibrahim dans la langue dans la Syrianie, comment ils disent, c'est Murien, ou je ne sais plus comment ils disent. C'est Abun Rahim, le père miséricordieux. Abun Rahim. C'est le sens de Ibrahim dans la langue assyrianie. C'est pas un, Ibrahim n'était pas un arabe. C'est pas un mot arabe. Alors, si on dit Ibrahim en arabe, ça veut dire quoi Ibrahim en arabe? Ça veut rien dire. C'est pas un mot arabe à la base. Pas comme Mohammed ou comme Saleh, qui étaient des prophètes arabes. Et Wal-Khulla, ce qui s'appelait Al-Khalil, Al-Khulla akhas min al-Mahabba. Al-Khulla, c'est quelque chose qui est plus particulier que l'amour. C'est un degré supplémentaire. Il dit Walihadha akhtassa biha Al-Khalilan. Ibrahim wa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'en fait, Allah Jalla wa Ala dans le Coran, il dit qu'il aime des gens. Inna Allah yuhibbu al-muhsinin, inna Allah yuhibbu al-mutatahhirin, inna Allah, comme on a vu, inna Allah yuhibbu al-ladhina yuqatiluna fi sabilillah, saffan, kabunyanun marsous. Allah, il aime les croyants. Allah yuhibbu al-muttaqin, il aime tous les gens qui sont décrits par ces sifats-là. Mais par contre, al-khullah, Allah Jalla wa Ala, il a pris que deux personnes, comme Khalil. Ibrahim alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça dit wa li hadha ikhtassa biha al-khalilan. Ibrahim et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa alayhima wa sallam. Wa ya'ti qawluhu fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Allah jalla wa ala il m'a pris comme Khalil, comme ami, bon, il traduit soit ami intime, c'est-à-dire quelque chose qui est. C'est El Khalil, il est plus aimé que le Muhab. Ou que le. El Wadoud. Ahabmin. Allah, il aime plus qu'un autre. Comme il a pris Ibrahim Khalilan. Comme il a pris Ibrahim Khalilan. الخليل على باس على وزن فعيل خليل فعيل من الخلة يصير بمعنى المفعول كم أحب يحب محب إذوك الله جل وعلا يلدي أن سيطة لبارد إبراهيم وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام أي اجعلني وبني في حيز وجانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها. Donc ici وجنوبني, c'est-à-dire qu'Ibrahim عليه السلام demande Allah جل وعلا, c'est pas simplement le fait de délaisser l'adoration des statues, mais de l'en écarter. C'est comme quand on dit dans le verset, quand les ulama ils commentent le verset, Allah dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَجَتَانِبُ الطَّاغُوتِ. وَجَتَانِبُ الطَّاغُوتِ, c'est-à-dire l'écartement, le fait de s'écarter du tarout. Évidemment, en premier lieu, en ne l'adorant pas, ni par le cœur, la parole et les membres, mais aussi en s'écartant, c'est-à-dire même physiquement. Physiquement, soit par l'écartement, soit par le combat, comme il va le dire après, Ibrahim alayhi salam, il a détruit une partie des statues qu'adorait son peuple, etc. Ça, c'est le fait de s'écarter. Pas simplement le fait de délaisser At-Tark. Ils disent que l'Ijtinab, c'est plus fort que At-Tark. Ba'id baynana wa baynaha. Na'am, fi hayyizin wa janib, c'est-à-dire à l'opposé, d'un côté opposé à ces statues-là et à leur adoration. Et ça, c'est quelque chose qui doit effrayer le serviteur, qui doit faire peur au serviteur. Pourquoi? فَإِذَا كَانَ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ سَلَامُ إِمَامَ الْحُنَفَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ أُمَّةً وَحْدَهُ وَبْتُولِيَ بِالْكَلِمَاتِ فَأَتَمَّهُنَّ وَقَدْ كَسَرَ الْأَصْنَامُ بِيَدِهِ يخاف أن يقع في شرك فكيف يأمن الوقوع فيه من هو دونه بمراتب بل أولى بالخوف منه وعدم الأمن بالوقوع فيه. Donc ça c'est quelque chose. Cette parole-là d'Ibrahim, quand on la lit, ça doit provoquer chez nous la peur. Pourquoi? Parce que si lui, qui est l'imam del Mouahidin, avec ou après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah jalla wa ala, comme on a vu dans le troisième chapitre, il dit quoi? Inna Ibrahima kana ummatan. Il le représentait dans le tafsir d'une partie des salaf, il était une umma à lui seul, wahdahu. Parce qu'on avait dit, il regroupait toutes les sifas, toutes les caractéristiques qu'on peut trouver de bien, qu'on peut trouver dans toute une umma, dans toute une communauté, lui, il les regroupait tous. Il les avait tous en un seul bonhomme. Kana umma. Ou alors on avait dit, umma bima'ana kana yuqtadabi. Mais il y a pas de c'est-à-dire il était suivi par les gens, il y a pas de tanafi, il y a pas de contradiction entre les deux sens, mais un il implique l'autre. Il était suivi par les gens parce que justement, il avait toutes ces caractéristiques-là de khair et de bien. Non. وابتلي بكلمات فأتمهن. Et Allah Jalla wa Ala, il a éprouvé Ibrahim par certains mots ou certaines ordonnances. Bon, ici, les salafs, il y en a qui disent que c'est lorsqu'Allah Jalla wa Ala, il a ordonné Ibrahim de se circoncire. Il y en a qui disent que Allah wa Ala, il y en a qui disent que c'est lorsqu'il a demandé à Ibrahim alayhi salam de sacrifier son fils. D'une manière globale, c'est toutes les ordonnances qu'Allah Jalla wa Ala, il a ordonnées à Ibrahim alayhi salam. فأتمهن, c'est à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné quelque chose à Ibrahim alayhi salam, il s'est exécuté directement, sans hésitation, et toujours en ayant confiance en son Seigneur, même lorsqu'il lui a demandé de sacrifier son fils. Ismaïl, وقد كسر الأصنام بيده, il a brisé les statues, les idoles de son peuple, comme ça vient dans le Coran. Et lui, avec tout ça, avec ses œuvres, avec son degré dans le tawhid, et avec ces œuvres-là qu'il a accomplies, et en étant l'ami, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a pris comme proche, il l'a aimé plus que les autres. Lui, il avait peur de tomber dans le shirk. Ibadat al-asnam. Dans le shirk de son peuple. Le peuple d'Ibrahim, c'est des gens qui adoraient l'asnam, les statues et le kawakib aussi. Les planètes. Il y avait une croyance dans les planètes, dans les astres. Il dit, comment celui qui a un degré bien moindre, mais qui a même aucun rapport avec lui, c'est-à-dire dans la foi, dans l'accomplissement du tawhid, comment il peut se sentir à l'abri de tomber dans le shirk? Et c'est pour ça que le shirk, Mohammed, rahimahullah, il ramène cette ayat dans ce chapitre-là. Mais le serviteur, il doit beaucoup avoir une peur encore plus grande qu'Ibrahim a.s. avait. Ibrahim al-Taymi, il disait, et qui c'est qui se sent en sécurité de l'bala du shirk après Ibrahim? De toucher par le shirk après Ibrahim alayhi salam. Et là, il explique parce qu'il s'est passé pas. Il explique, là, on comprend la parole d'Ibrahim et la demande d'Ibrahim alayhi salam en observant ce qui s'est passé par la suite dans la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après les 3 siècles. Après les meilleures générations qui sont les 3 premières. Il dit, وَقَدْ وَقَعَ فِي الْأَذْقِيَا من هذه الأمة بعد القرون المفضلة فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وغيرها وصرفت لها العبادة بأنواعها وأشبه ما وقع في الجاهلية وأعظم واتخذوا ذلك دينا وهي أوثان وأصنام. Donc après, on le voit avec ce qui s'est passé dans la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam après les 3 meilleures générations, donc celle des compagnons, des tabi'oun et de ceux qui les ont suivis. Atba'hum. Après ces 3 siècles-là, les gens ils sont revenus au shirk pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à sa communauté. Shirk de l'adoration des tombes. Ils ont construit sur les tombes. Ils ont construit des mosquées. Ils ont construit des lieux de pèlerinage, de visite sur les tombes. Les tombes, ça, c'est devenu des endroits de pèlerinage. C'est devenu des endroits de rassemblement. C'est devenu des endroits d'adoration. Et ils ont, par la suite après ça, comme on le verra, Inch'Allah, dans le livre, ils ont, comme dans le shirk du peuple de Nuh, ça les a poussés jusqu'à adorer le sahib al-qabr, celui qui est dans la tombe. Et a donné diverses sortes de ibada aux morts. Et parmi ces gens-là, tu trouves, il y a des gens, c'est des fuqaha, ou des gens qui expliquent le Coran, ou fassirun, ou des fuqaha, des gens qui connaissent le fiqh, etc. Parce que ce qu'ils disent, c'est l'azkiya. C'est-à-dire, c'est pas des gens, c'est pas des gens bêtes ou quoi que ce soit, mais c'est des gens qui ont été trompés par le shaitan et qui sont retournés à l'adoration des idoles et qui ont pris ça comme religion, comme il dit, ils ont repris ça comme religion et ils ont, le shaitan, il leur a embelli ça sous l'appellation de quoi? De le fait ta'zim les salihin, le fait de respecter les pieux, le fait de respecter leurs valeurs, leur degré auprès d'Allah, etc. Jusqu'à aller les invoquer, les prendre comme intermédiaires entre eux et Allah Azza wa Jal, exactement le shirk que les mushrikoun de Quraysh ont fait. Et même encore pire, puisque, comme on le verra aussi, Inch'Allah, parmi eux, il y a des gens qui ont une vraie croyance en eux. C'est-à-dire que, et il leur donne carrément quelque chose de l'khalq, de tasarruf. C'est-à-dire que c'est carrément le mort qui agit lui-même avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il redonne une définition de as-sanam. Il dit, fa inna sanama ma kana musawwaran ala ay sura. As-sanam, à la base, c'est quelque chose qui est sculpté à l'effigie, à l'image d'un homme ou d'un animal. Comme ça a été le cas dans le peuple de Nuh, ils avaient sculpté des effigies à l'image des anciens salihin de leur peuple. Et ils les ont mis à l'endroit là où ils faisaient leurs adorations pour se rappeler d'eux, pour se rappeler de, comme ça vient dans le hadith dans le Bukhari, pour se rappeler d'eux, pour leur adoration, etc. Et avec le temps, avec la mort des gens, ceux qui ont succédé, les générations suivantes, ne savant pas le pourquoi du comment ils avaient mis ces statues-là en place, ils ont dit, elles sont là et c'est pour les adorer. Ils les ont adorés en dehors d'Allah, ils les ont pris comme intermédiaires pour se rapprocher d'Allah, Jalla wa Ala, comme là. Ils ont pris ça comme religion. C'est-à-dire, ils ont pris le shirk comme religion. Par le shirk, ils ont cherché à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit, وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. C'est-à-dire, on les adore pour qu'ils nous rapprochent d'Allah, Jalla wa Ala. وَالْوَثَنْ مَا عُبِدَ مِمَّا لَيْسَ لَهُ سُورَ كَالْحَجَرِ وَالْأَبْنِيَ. Et le wathan, ce qu'on appelle l'idole, On a la statue As-Sanam qui est gravée à l'effigie d'un animal ou d'une personne en général. Et on a le Wathan. Ça, c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'est pas à l'effigie de quelque chose de précis, comme un arbre ou des pierres ou autre. Wathan. وَقَدْ يُسَمَّ سَنَمُ وَثَانَا. Et des fois, le As-Sanam, les statues sont appelées idoles, comme dans la parole d'Allah Jalla wa Ala, innama ta'buduna, qui cite encore une fois la parole de l'Khalil, Ibrahim alayhi salam, innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Vraiment, vous n'adorez que, en dehors d'Allah, que des idoles, alors qu'il est en train de parler de quoi? De l'asnam, de leur divinité. Il les a appelées idoles. Et vous forgez un mensonge. Dit fal asnam awthan, comme en al qubur bin nas awthan, fal wathanu a'am. Donc toute sanam, toute statue est wathan, est idole. Mais l'inverse non. On dit pas de toute idole qu'elle est sanam. D'ailleurs, on a aussi le hadith النبي صلى الله عليه وسلم يجي que le Qubur adoré en dehors, les tombes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont appelés Wathan. Donc c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah, mais qui n'est pas à l'effigie de quelque chose, de un animal ou un homme. Ça on appelle ça Sanam. Mais il y en a, Allahu alam, parmi les ulama, il y en a qui disent Sanam Wathan. Ils l'utilisent pour les deux choses. Ils appellent Sanam Wathan, Wathan Sanam. Al Muhim, c'est des choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui dit ici, وَالْوَثَنُ أَعَمْ وَقَلَ بَعْدُ الْعُلَمَا كُلُّ مَا عُبِدْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Donc c'est la parole là. قَلَ بَعْدُ الْعُلَمَا كُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ بَلْ كُلُّ مَا يُشْخِلُ عَنِ اللَّهِ يُقَلَّهُ صَنَمْ. Donc ça c'est l'autre parole où les ulama ne font pas de différence. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ou qui va occuper la personne, qui va détourner la personne de l'adoration d'Allah Jalla wa'ala, on appelle ça sanam. Pour ça qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, quand ils parlent de la démocratie, ils appellent ça sanam. Sanam, comme une statue, bien que la démocratie, ce n'est pas une statue forgée à l'effigie de Pierre, Paul ou Jacques ou d'un animal, mais c'est un... C'est un principe. C'est un principe d'organisation de la gouvernance ou de sultan, oui, de la gouvernance ou du pouvoir. Donc c'est quelque chose d'abstrait qu'on voit pas. C'est pas quelque chose qui se voit ou qui se touche. C'est quelque chose d'abstrait, mais c'est appelé. On appelle ça aussi sanam parce que c'est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est adoré par quoi? Par l'obéissance et par le tahakum et le tahkim. Parce que la démocratie, à la base de la démocratie, c'est quoi? C'est hukm al-sha'b, le pouvoir du peuple. Le peuple qui dit halal haram. Et celui qui dit halal haram en dehors d'Allah Jalla wa'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a appelés shuraka, associés, il les a appelés arbaban, seigneurs, il les a appelés tawarit, tarout, يريدون أن يتحاكموا للطاغوت, etc. المهم صنم, donc c'est certains savants, ils l'utilisent pour appeler tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Jalla wa Ala, ils l'appellent صنم. وقد بين الخليل عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف من ذلك. Après avoir fait cette dua là, Ibrahim عليه السلام, il a demandé à Allah Azza wa Jalla de l'écarter de l'asnam et de l'adoration de l'asnam, des statues. Ibrahim alayhi salam, il cite la cause, le pourquoi il demande ça et pourquoi il en a peur. Il dit Rabbi innahunna adlalna kathira min annas. Ô Seigneur, elles ont égaré beaucoup de gens. Donc Ibrahim alayhi salam, comme il va le dire ici, fa idha arafa al-insan dhalik awjaba lahu al-khawf أن يقع فيما وقع في الكثير ولا يأمن الوقوع في إلا جاهل به وبما يخلص من العلم بالله وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيده والنهي عن الشرك به. ADA C. On sait que ça, c'est l'état de la majorité des gens. Et comme on peut le voir encore aujourd'hui, les gens, ils ne savent pas ce que c'est le tawhid, ils ne savent pas ce que c'est le shirk, et ils mélangent entre les deux, ce qui les fait délaisser le tawhid et ce qui les fait tomber dans le shirk. Ça doit provoquer chez nous la peur. Parce que, comme Ibrahim alayhi salam, il a utilisé ça comme cause pour invoquer Allah Jalla wa'ala, le fait que la majorité des gens soient dans l'adoration des statues en son temps. Nous, à notre jour, les gens, aussi la majorité des gens, sont dans l'adoration d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans l'obéissance à une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit faire peur. Parce que c'est l'état de la majorité des gens. Il est comme ça, et que les mouahidoun et les gens qui connaissent l'islam sont en minorité, et donc ça provoque la peur de tomber dans ce quoi est tombée la majorité des gens. Et personne... Et celui qui se sent en sécurité, en général, c'est le jahil. C'est celui qui est ignorant de ce que c'est le tawhid et ignorant de ce que c'est le shirk. Donc celui-là, il se croit en sécurité. Et il pense que le fait de s'attribuer à l'islam et de dire la ilaha illallah et de faire que de pratiquer certains rites de l'islam, ça le met en sécurité. Et ça, c'est des gens qui ne connaissent pas le tawhid et qui ne connaissent pas le shirk. D'où l'importance, ou la première chose qui incombe à toute personne, c'est d'apprendre le tawhid et d'apprendre ce qui va annuler le tawhid. Et là, on retourne à la parole de Hudhayfa qui disait كان الناس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر لئلا أقع فيه. Hudhayfa ibn al-Yaman qui disait je demandais au prophète, les gens demandaient en général au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur indiquer le bien pour le faire. Moi, je le questionnais au sujet du mal pour m'en écarter. Et ça rentre directement là-dedans. Le fait d'apprendre le tawhid, mais de savoir ce que c'est le shirk et les sortes de shirk pour s'en écarter et pour ne pas y tomber. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, quand tu discutes avec eux, il y a des choses, ils savent pas. La réalité, c'est qu'ils y tombent parce qu'ils savent pas ce que c'est le shirk. Tu lui dis la demande de jugement à une autre loi qu'Allah, à un juge qui ne juge pas avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk akbar qui fait sortir de l'islam, au même titre que de se prosterner pour un autre qu'Allah, ou d'invoquer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le même shirk qui fait sortir de l'islam. Ah non, ça c'est pas de l'adoration, c'est pas du shirk ça. Les gens ils savent pas ce que c'est le shirk. C'est ça la raison, la raison majeure. Et ne se sent en sécurité de ça que le jahil. Non. Ensuite, le shir, il cite un hadith rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, et où il dit au fil hadith, « Akhwafu ma akhafu alaykum shirku al-asghar, fasu'il anhu faqal al-riya. » Donc dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est adressé aux compagnons, à ses compagnons. Il a dit, ce dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le shirk asghar, le petit shirk. Et là, les compagnons, ils l'ont questionné au sujet du petit shirk, c'est quoi ça? Et il a dit, riya, l'ostentation. Là, on tire de ce hadith-là, on tire beaucoup de choses. On tire déjà que le shirk, il est de deux sortes. Parce que s'il y a un shirk asghar, il y a un petit shirk, alors ça indique quoi? Ça indique qu'il y en a, qu'il y a un grand quelque part. Bid-dilalat, on avait vu, dilalat al-asma, dalalat al-asma, on avait parlé dans le wasit, il y a beaucoup, al-mutabaqa, wa tadammun, wa l'iltizam. Ici, bid-dilalat al-iltizam, on peut dire que le hadith yadullu ala anna thamma shirk akbar. Dans le hadith, il y a un shirk asghar. Si un asghar, ça indique, ça implique, ça va impliquer que quelque part, il y a un shirk akbar. Donc ça, c'est le délit. Quelqu'un, il vient et dit, ouais, mais c'est quoi le délit qu'il y a un shirk akbar, asghar, ça sort d'où? Ça fait partie, ce hadith-là, il fait partie des délits sur ce taqsim. Qu'il y a une différence entre les deux choses. Il y a une différence dans, comme il va le dire, dans ce que c'est et dans le hukm. Dans le statut de celui qui le commet, que ça soit dans la dunya ou dans l'akhira. Et on tire aussi que les compagnons, radiyallahu anhum, la base pour eux, c'était que quand on parle de shirk ou de kofr, c'est l'akbar. Que ça soit le shirk dans ce verset-là, dans ce hadith-là, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit la chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le shirk al-asghar. Ils ont dit, oh, envoyé d'Allah, c'est quoi ça? Pour eux, à la base, le shirk, c'est l'akbar. Quand ils ont entendu asghar, c'est quoi? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, c'est riya. Ils connaissent riya, ils connaissent l'ostentation. Mais c'est quoi shirk asghar? Ça veut dire ici riya. Pareil pour le kufr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté, il est dans Sahih al-Bukhari. Le prophète sallam, il a raconté le voyage nocturne et ce qu'il a vu lors de l'ascension. Il a dit qu'il a vu la majorité des femmes, il a vu que la majorité des gens du feu, c'est des femmes. Il a dit yakfurna. Et les compagnons, ils ont dit, yakfurna billahi wa rasuli, ou bil yawmi l'akhir, il a dit, yakfurna l'ashir, yakfurna l'ihsan. Prophète, il a dit, dans ce hadith-là, qu'il a vu, donc ça c'est lors du voyage, lors de l'ascension, que la majorité des gens du feu sont les femmes, parce qu'elles mécroient. Ici, ce n'est pas le sens de mécroire. Mais il a dit, yakfurna. Et là, les compagnons, ils ont tout de suite réagi. Ils ont dit, oh, envoyé d'Allah, il mécroit à Allah et à son envoyé au jour dernier. Il a dit non. Mais yakfurna, ici, ce qui est voulu, c'est kufr ni'ma. Yakfurna al-ashir, yakfurna al-ihsan. C'est-à-dire, elles ne reconnaissent pas le bien que leur mari leur font. Elles ne reconnaissent pas la ni'ma, le bienfait que leur mari leur donne, leur font. Ici, qu'est-ce qu'on tire de là? On tire que les compagnons, quand ils entendent kufr, pour eux, c'est le kufr billah. C'est le grand kufr et le grand shirk. D'ailleurs, c'est pour ça que dans tous les textes du Coran et de la Sunna, la base, on en avait déjà parlé, on appelle ça adat al-Coran. Adat al-Coran, c'est-à-dire que lorsqu'un mot dans le Coran, il revient à plusieurs reprises, qu'il a toujours le même sens, on n'a pas le droit à un moment donné dans un verset de dire non, ça, c'est pas le sens des autres. Ce mot-là, il n'a pas le sens du même mot qui est venu précédemment dans les autres versets, dans les autres hadiths, il a un autre sens. On n'a pas le droit. Ça s'appelle adat al-Qur'an. Les ulama comme Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, ils parlent beaucoup de ça. Ils parlent de ça en disant qu'un mot, quand il a plusieurs fois, il vient plusieurs fois dans le Qur'an, toujours avec le même sens, on appelle ça adat al-Qur'an, et ce mot-là, il a ce sens-là dans la législation. Et ça, c'est valable pour le shirk et le kufr. Et on voit que les compagnons, quand ils entendent kufr ou shirk, ils comprennent l'akbar. Ils comprennent ce qui fait sortir de l'islam. Il faut avoir un élément supplémentaire pour dire que non, celui-là, c'est pas le grand, c'est le petit qui fait pas sortir de l'islam. Comme l'exemple qu'on a cité dans Yakfurna al-Ashir, Yakfurna al-Ihsan, concernant les femmes, ou concernant ce hadith-là, le professeur Salam, il a là clairement, il a dit shirk asra. Soit qu'ils ont posé la question, c'est quoi un shirk al-asghar? Ici, il dit le muhashshir, rahimahullah, yusalli lillah. Il va donner un exemple. Il va donner un exemple de ce que c'est riya, l'ostentation. Et donc, riya, c'est fait partie du shirk al-asghar. On va voir que shirk al-asghar, il y a d'autres sortes de shirk asghar. Riya, l'ostentation, le fait d'embellir un acte ou une parole par laquelle, à la base, on recherche la satisfaction d'Allah Jalla wa Ala, le fait de l'embellir parce que quelqu'un nous regarde ou nous écoute, ça rentre dans shirk et l'asghar à la base. Ça peut être l'akbar aussi, selon la niya des gens. Mais en général, le musulman, concernant le musulman, c'est du shirk asghar. Il va embellir. Il va s'appliquer sur sa prière. Il va s'appliquer sur sa récitation du Coran parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui écoute, etc. Après, on a riya, quelqu'un qui fait que du riya pur. En général, ça, c'est le munafiqun. Comme Allah, Jalla wa Ala, il le dit dans le Coran. Il donne un exemple. Yusalli lillah, fayuzayyinu salatahu. لما يرى ou لما يرى لما يرى من نظر رجل إليه. Donc c'est quelqu'un qui va embellir sa prière. Il est en train de prier pour Allah. C'est-à-dire là, il commence, il dit يصلي لله. Ce n'est pas quelqu'un à la base qui s'est levé et qui fait croire aux gens qu'il est musulman, qu'il est avec eux, comme c'était le cas des Munafiqun à Médine ou dans d'autres temps. Il se lève, il est avec la salat pour les musulmans, mais à la base, il ne prie pas pour Allah. C'est la base de son acte, il n'est pas pour Allah Azzawajal, il est faire croire aux gens qu'il est avec eux. Donc ça, c'est le riya l'akbar, ça c'est du shirk akbar évidemment, mais c'est quelque chose qui se produit chez le munafiq. Ce n'est pas quelque chose qui se produit chez le musulman. Le musulman, c'est plutôt le problème qui va toucher le musulman, c'est qu'il va chercher à embellir. Comme l'exemple qu'il donne ici. Il prie pour Allah, ça c'est la base. Mais il va embellir sa prière parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui le regarde. Il dit, hey, donc il explique la parole du prophète sallam, hey, ashaddu khawfin akhafuhu alaykum wa hadha min shafaqatihi sallallahu alayhi wa sallam ala ummatihi wa ra'afatuhu wa rahmatuhu bihim wa ra'afatihi wa rahmatihi bihim. فلا خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم عن. Donc ça fait partie de la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son attention pour sa communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il y a de bien, et ça a été, c'est vrai pour tous les messagers, tout ce qu'ils savaient de bien pour leur communauté, ils les ont mis en garde, et ils les ont plutôt appelés à ça. Ils leur ont indiqué ce khayr-là, et ils les ont appelés à le faire. Et tout ce qu'ils savaient de mal pour leur communauté, ils les ont mis en garde contre ces choses-là. Et là, donc, rentre là-dedans le riya, l'ostentation. Et le prophète sallam, il avait peur pour eux. Ça montre sa miséricorde et ça montre son attachement à sa communauté et à ce qui touche le croyant. Ça, c'est une règle pour tous les croyants. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des croyants. Il n'y a personne qui réalise cette chose-là mieux que lui. C'est que tout ce qui touche de mal le croyant touche, comme on l'a déjà vu dans les hadiths, de l'adab dans le wasitia et tout, ça va toucher les autres croyants. Quelqu'un qui est touché par un mal, ça, l'autre il est touché par un mal, il va être chagriné pour son frère. Or le prophète sallam, le fait qu'il soit touché par l'ostentation, par le shirk al-asrar, c'est quelque chose dont il avait peur pour eux. وهذا الحديث أورده المصنف مختصرا غير معزو وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي بأسانيد جيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن أخوف ما خفوا عليكم الشرك الأصغر قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Ça c'est le hadith complet. L'imam Mohammed, rahimahullah, il l'a ramené dans la matna, il a ramené le hadith résumé, raccourci. C'est quelque chose que les gens du hadith, ils permettent. On a le droit de ramener un hadith comme ça, sans ramener toute la longueur du hadith et de citer ce qu'on appelle juste shahid, c'est-à-dire la partie du hadith qui nous intéresse. Le hadith complet est rapporté par l'imam Ahmed wa Tabarani wa al-Bayhaqi, avec des chaînes de transmission qui sont bonnes. Donc, pour ça, sallam, il a dit, ce dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le shirk asghar. Donc, les compagnons, radiallahu anhum, ils l'ont questionné au sujet du shirk asghar. Ça montre qu'ils ne savaient pas ce que c'était le shirk asghar. Pour eux, le shirk, à la base, c'est le shirk. Ils ont dit, riya, l'ostentation. Et Allah, jalla wa ala, le jour du jugement, yawm al-qiyama, lorsqu'il rétribuera les gens, il dira à ceux donc qui pratiquaient l'ostentation ou qui ont été touchés par l'ostentation, allez donc voir ceux pour qui vous embellissiez vos actes et vos paroles, c'est le sens, dans la dunya, et voyez si vous trouvez votre récompense auprès d'eux. Donc celui pour qui tu as embelli ta parole ou tu as embelli ton acte, Allah Jalla wa Ala, le jour du jugement, il te dira, va donc voir chez lui si tu peux trouver la récompense. Comme tu as cherché son regard ou à ce qu'il t'écoute et à ce qu'il dise en général du bien de toi, comme tu l'as recherché en partie lui, en petite partie lui, alors va donc le trouver et voir si tu trouves la récompense qu'il te doit pour ce que tu as fait pour lui. Et c'est pour ça c'est le sens du hadith, comme il va le dire après. Le sens du hadith d'Abi Huraira dans Sahih Muslim, hadith Qudsi, Allah Jalla wa Ala dit inni aghna shurakai 'ani shirk faman ashraka bihi ghayri ma'i wa faman ashraka bi ma'i ghayra fataraktuhu wa shirka. Ça c'est le hadith, c'est le dalil qui montre que tout acte qui est touché par l'ostentation, qui est touché ne serait-ce pas par une once d'ostentation, l'acte il est batel. Ana aghna shuraki 'ani shirk, Allah Jalla wa Ala dit dans ce hadith Qudsi rapporté dans Sahih Muslim, hadith d'Abi Huraira, Allah Jalla wa Ala, le sens du hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin, Il n'a pas besoin de, il n'a pas besoin de l'adoration de celui, il n'a pas besoin de l'adoration à Aslam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'une adoration, il ne veut pas d'une adoration, il n'accepte pas une adoration dans laquelle il a été associé à quelqu'un d'autre. Même si c'est du petit shirk, du grand shirk, on n'en parle pas parce que le grand shirk, il annule toutes les actions. Mais là, le petit shirk va annuler l'action qu'il a, dans laquelle il est rentré. أنا شركاء يعني شرك فمن أشرك معي غيري فتركته وشركه. Celui qui m'associe, celui qui associe avec moi quelque chose dans son adoration, je le délaisse lui et son action ou son associé. C'est-à-dire tout appartient à son associé. Tout appartient, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pas de cette action qui a été mélangée par quelque chose du shirk. Il laisse cette action-là à celui pour qui il a fait l'ostentation. C'est ça le sens du hadith. Wa shirku qisman. Donc ça, on peut le tirer de ce hadith-là. Shirk qisman. On le voit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit shirk asghar. C'est que quelque part, il y a un shirk akbar. وشرك قسمان أكبر وأصغر وبينهما فرق في الحكم والحد. Donc on a un shirk akbar, un shirk asghar, et entre les deux on a une différence dans le hukm, dans le statut de celui qui va le faire, et dans le had. Le had ici c'est un ta'rif, dans la définition. Il y a une différence dans la définition et il va y avoir une différence sur le statut de celui qui le commet, que ce soit dans la dunya ou dans l'akhirah. Il dit, fait l'akbar, le shirk l'akbar, en yusawwi ghayr Allah billah fima huwa min khasa'is Allah kal mahabba. Le shirk l'akbar, c'est quoi? C'est le fait de mettre à égal Allah Jalla wa Ala et un autre que lui dans une chose dont Allah Jalla wa Ala, ou dans une chose qui fait partie des particularités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des choses qui sont. Où Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Ici, il dit quel mahabba, comme l'amour. C'est-à-dire, le sens, c'est que seul Allah Jalla wa ala mérite qu'on l'aime. Comme on dit, hubbu ta'zim. C'est-à-dire, un amour de glorification, un amour d'adoration. Seul Allah Jalla wa ala, il mérite cet amour-là. Et le fait d'associer à Allah Jalla wa ala dans cet amour-là, c'est-à-dire d'aimer Allah et d'aimer un autre qu'Allah par cette sorte d'amour-là, ça c'est le shirk al-akbar. Comme on le verra, il y a un chapitre destiné yani, au shirk mahabba, comme Allah dit, « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَحُكْمُهُ أنه لا يغفر ولا يغفر لصاحبه أبدا إلا بالتوبة. Le حكم du shirk الأكبر c'est qu'Allah جل وعلا il ne pardonne pas celui qui commet le shirk الأكبر s'il ne s'est pas repenti. Quelqu'un il meurt sur le shirk الأكبر, Allah جل وعلا ne lui pardonne pas. Il demeurera éternellement au feu. Ça c'est le حكم dans l'akhira. Le حكم dans dunya, quelqu'un qui commet le shirk à la base, il peut être demande de se repentir, il peut être combattu, il peut être tué, etc. Selon son statut à la base. وَأَنَّهُ يُحْبِتُ جَمِيعَ الْأَعْمَلِ. Et il annule l'ensemble des actes. Le shirk al-akbar, il annule l'ensemble des actes. C'est pour ça que la personne, elle sort de l'islam et elle n'a plus aucun acte tant qu'elle ne s'est pas repentie. Et c'est pour ça que, comme on l'avait vu dans le Wasidia, le jour du jugement, Allah Jalla wa Ala, les kuffars, ils ne passent pas al-mizan, à la balance. Ils n'ont rien à peser. Leur kuffar akbar, leur shirk al-akbar, il a annulé toutes les œuvres. Il n'y a aucune œuvre à mettre dans le plateau des hasanat. Ça qui ne passe pas par la balance. Ils vont directement au feu. Et autre chose, c'est que celui qui commet les shirk akbar donc et qui meurt là-dessus, il demeure éternellement au feu. Quant au shirk al-asghar, donc là il donne une définition, mais sa définition elle est incomplète. Il dit huwa ma ya'ti fi an-nusus annahu shirk. هو ما يأتي في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. الشرك الأصغر c'est quoi? C'est ce que le législateur, c'est-à-dire le hakim Allah subhanahu wa ta'ala dans les textes, le professeur sallam dans les hadith, il l'a appelé shirk, mais qui n'atteint pas le shirk al-akbar. Comme c'est le cas dans, voilà, ce hadith-là, c'est un nas. Akhwafu ma akhafu alaykum al-shirk al-asghar. Akhwafu ma akhafu alaykum al-shirk al-asghar. Allah subhanahu wa ta'ala, le Nabi sallam, il a appelé ça shirk, mais c'est asghar, ça n'atteint pas le shirk al-akbar. Mais c'est incomplet, parce qu'il y a certains textes où le mot shirk, il n'est pas cité. Pourtant, ce qui est voulu, c'est le sens du shirk al-asghar, mais le mot shirk, il n'est pas cité. Parce que dans le shirk, on sait aussi que Allah Jalla wa'ala, comment dans le Coran, ou comment le Prophète sallam dans la Sunna, comment ils ont expliqué le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez pas à Allah des égaux, alors que vous savez. أَنْدَادًا نِد. C'est ça que le shirk, le sens du shirk, les ulama disent التنديد. تَنْدِيد أَنْ تَجْعَلْ لِلَّهِ نِدًا. Que tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala un égal. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui rajoutent. Ils disent donc que la première définition, elle est juste. Si on a le mot shirk qui vient et que ce shirk-là n'atteint pas l'akbar, alors c'est shirk al-asghar. Mais il y a d'autres textes où Allah subhanahu wa ta'ala, le Prophète sallam, dans la sunna, on a le sens de at-tandid, le fait de mettre un égal, mais qui n'atteint pas aussi l'akbar. Comme par exemple, tout ce qui est ce qu'on appelle shirk al-alfaz. Par exemple, quand on dit une fois il y a quelqu'un qui est venu voir le professeur sallam, il lui a dit ma sha Allah wa shi'at. Ma sha Allah wa shi'at. Ce qu'Allah il veut et toi. Le professeur sallam il a dit aj'altani lillahi niddan. Est-ce que tu me mets à l'égal avec Allah? Or la parole de la personne ma sha Allah wa shi'at, c'est ce qu'on appelle shirk al-alfaz. C'est-à-dire c'est une sorte de shirk asghar, c'est un petit shirk. Parce que la personne, elle n'a pas la croyance, yani que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est à l'égal d'Allah dans le mashi'a, dans la volonté. Une chose, elle se passe si Allah y veut et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam y veut. C'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique dans sa volonté. Tout ce qu'Allah y veut, ça se passe. Mais c'est pas ce qu'il a voulu dire. Ça, c'est juste quelque chose, c'est un mot sur la langue. C'est une sorte de shirk asghar. Donc là, il y a ce qu'on appelle, les ulama, ils appellent ça mutlaq at-tandid. On a attendid el mutlaq, ça c'est shirk el akbar, celui qui donne l'adoration ou autre à un autre qu'Allah jalla wa ala. On a fait attendid el mutlaq, shirk el akbar, hada. Mais si il y a le sens de attendid, mais que ça n'atteint pas l'akbar, ça rentre aussi dans le shirk el asghar. C'est pour ça qu'ils donnent pour compléter la définition, ils disent aw ma fihi ma'na mutlaq attendid, wa illa yusammihi الشارعو شركان. Si on a le sens de mutlaq at-tandid, c'est-à-dire le fait de d'associer à Allah, mais en général ça va être soit par la parole, ça va être par la parole, shirk al-alfaz. Ça n'atteint pas le shirk al-akbar, on appelle ça aussi shirk asghar parce qu'il y a le sens de tandid, mais ils appellent ça mutlaq at-tandid, pas tandid al-mutlaq. Donc comme dans cet exemple, ma sha Allah wa shi'at. Dans zahir, si on regarde les mots, il met Allah jalla wa ala, ou il met le prophète sallam à l'égal d'Allah dans le mashi'a, dans la volonté. La chose, elle se passera si Allah y veut et si le prophète sallam y veut aussi. Or, on sait, le croyant, il ne croit pas ça. C'est pas ce qu'il a voulu dire. Ma sha Allah, sallam dans un autre riwayat, il dit ma sha Allah wahda. Parce qu'Allah, il a voulu seul. Ce qu'Allah il veut, ça se passe. Ce qu'Allah il ne veut pas, ça se passe pas. Mais, comme on dit, shirk al-alfaz. Donc ça rentre dans shirk al-asghar, alors que le prophète sallam, il a évoqué quoi? At-tandid. Il a pas cité le mot shirk. Mais il a parlé de tandid. Aj'altani lillahi niddan. Et le hukm du shirk al-asghar, حكم الشرك الأصغر وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة لعموم إن الله لا يغفر أن يشرك به. Alors ça revient à ce qu'on avait vu la dernière fois. On a dit que parmi les ulama, il y a deux paroles concernant le shirk al-asghar. Shirk al-asghar, il y a des ulama qui disent qu'Allah ne pardonne pas le shirk al-asghar en se basant sur ce verset-là. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Et on se rappelle de l'istidlal, comment ils ont compris ça par la langue arabe, que le verbe mudarih, les savants de la grammaire, ils disent qu'il est nakira. Il est indéfini. En plus, ici, on a an et on a yushrak. La yaghfiru an yushraka. Le an, ici, on l'appelle an. Se rappelle, on a fait un peu de grammaire, il s'appelle an mazdariya. Le verbe, il est au mudarih. Ça, on peut le remplacer par le masdar. On appelle ça ta'wil masdar. Ta'wil masdar. On peut remplacer an et yushrak par le masdar. Ça donne inna Allah la yaghfiru ishrakan bihi. Ishrakan, nakira. C'est parce que dans la langue arabe, les ulémas de la langue arabe, ils disent que le masdar, il est nakira, il n'est pas ma'rifa. On ne dit pas inna Allah la yaghfiru ishraka bihi. On dit inna Allah la yaghfiru ishrakan bihi, bittanwin. Il est nakira, indéfini. Or, la règle dans la langue arabe, qui est devenue une règle de usul, mais qui est basée purement sur la langue arabe et sur ce que les arabes comprenaient de leur langue, un nakira fi siyaq nafi yufid al-umum. C'est-à-dire, ishrakan ay shirk. Inna Allah la yaghfiru ishrakan, la yaghfiru ay shirk. Quelle que soit la forme de shirk, qu'il soit petit shirk, grand shirk, en petite quantité, en grande quantité, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne le pardonne pas. Donc il y en a, ils ont pris, ils se sont basés là-dessus. Et donc ils ont rentré là-dedans, shirk al-asghar. Et ça, c'est ce qu'on comprend de ce qu'il dit le muhashi. Wa hukmuhu annahu la yughfaru li sahibihi illa bitawba li umum inna Allah li yaghfiru an yushraka bihi. يعني عموم الآية elle englobe le sens global du verset, il englobe le shirk al-asghar. Et les autres, ils ont répondu comment? Ils ont répondu par ce qu'on a dit avant. Ils ont dit le shirk وعادة القرآن, c'est que l'habitude de Coran et de la sharia, c'est qu'à chaque fois que le shirk il est cité ou que le kufr il est cité, c'est systématiquement l'akbar. On appelle ça adat al-Qur'an. Et ils disent que cette règle, elle passe au-dessus de la règle qu'on comprend par ce qu'ont compris les autres par la langue arabe. C'est prioritaire. Et on voit que les compagnons, quand ils entendent des shirk, les compagnons, ils comprennent cette règle de langue arabe. C'est des purs arabes, ils comprennent cette règle de langue arabe. Et pourtant, ils comprenaient shirk al-kufr comme étant l'akbar systématiquement, qui fait sortir de l'islam. C'est ça que ceux qui disent non, le shirk al-asghar, il rentre pas dans le verset, parce que l'habitude de Coran et dans la sharia, c'est quand on dit shirk ou al-kufr, ce qui est voulu, c'est al-akbar, c'est pas al-asghar. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on répond aux gens qui disent que dans le verset, Allah dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الْكَافِرُونَ, qui disent que systématiquement, ce qui est voulu dans le verset, c'est le kufr al-asghar, on leur répond en disant non. C'est que al-kafirun, bi alif wa lam, comme ça, al-kafirun, adat al-Qur'an, ce qui est voulu dans le Qur'an, c'est que quand al-kafirun s'est cité comme ça, c'est le kafir al-kufr al-akbar. Il n'y a aucun verset où Allah Azza wa Jal dit al-kafirun, ce qui est voulu, c'est le kufr al-asghar. Nulle part. C'est comme ça qu'on leur répond, adat al-Qur'an. La Jalla wa'ala, quand il dit « al-kafirun »,« al-mushrikun », c'est jamais « shirk asghar », « shirk akbar ». Donc c'est comme ça qu'ils ont répondu à cette compréhension-là, qui est une compréhension juste à la base. C'est une règle de langue arabe. Mais « adat al-Qur'an », elle prédomine sur cette règle-là ici. Et sinon, on se retrouverait avec un autre problème dont on avait déjà parlé. C'est le verset où Allah dit وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا ربي وربكم واعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إنه من يشرك بالله. لا سباغي هنا يشرك فيرب فعل مضارع في سياق شرط يفيد العموم. Ça veut dire qu'on va rentrer là-dedans aussi. من يشرك الشرك الأصغر. فإن الله حرم عليه الجنة. Allah lui a interdit le paradis. Or, cette compréhension, elle est fausse, bilijma. Quelqu'un qui fait du shirk al-Asghar, quelqu'un qui ne meurt pas sur le shirk al-Akbar, il rentre au paradis. Allah ne lui interdit pas, même s'il est châtié avant pour son shirk al-Asghar. Donc, on voit bien, avec ce verset-là, qu'on est obligé de faire prêtre. On ne peut pas comprendre, yani, avec la règle de base de langue arabe, et on doit faire prédominer ce qu'on appelle adat al-Qur'an. Allah Jalla wa'ala, quand il a parlé du shirk et de le kufr dans le Coran, ce qui est voulu, c'est l'akbar. C'est pas l'asghar. Inch'Allah, on va arrêter là pour aujourd'hui. On terminera la prochaine fois. Inch'Allah, on arrête là. Wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.